Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Orange Prix Citron avec Marc Diquet de KKFM 95,7. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, donc comment ça va ta préparation pour ta marche qui va avoir lieu bientôt, le 1er juin? On a vu cette semaine que Cassandra Baudette, Justin Saint-Pierre vont être un des invités. Oui, des ambassadeurs, effectivement, ouais, qui seront sur place, tout comme Francis Véropol. Ça va bien, c'est beaucoup de travail, ça va bien, mais il faut que je prépare le physique aussi, là, parce que ouais, ça n'a pas été facile, le 42 km de l'an passé à Saguenay, fait que là, c'est 27, mais quand même. Fait que regarde, je finis avec toi, puis je vais m'entraîner. Là. Fait que on prend toutes les chances. Là. Effectivement. Marc, prix orange, prix citron de la semaine. J'ai plusieurs prix orange, j'ai pas de prix, un petit peu de prix citron, mais c'est pas gros, donc vas-y avec ton prix orange. Oui, mais dans le prix orange, c'est bien facile. C'est l'Avalanche du Colorado, surtout son système de recrutement. Ouais. Parce que je regarde le travail que font Samuel Girard et Cale Makar en avantage numérique. Oui. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ces deux défenseurs-là là, ont 20 ans seulement. Ouais. Donc, imagine à 25 et 26, c'est épouvantable comment ces gars-là vont contrôler le match. Là. C'est vraiment des belles trouvailles. Et puis, tu sais, ça ajoute à ça Nathan McKinnon, que moi, honnêtement, ce joueur-là, je dis, on ne me faisait pas capoter outre mesure. Ouais. Il est dominant, ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais. L'Avalanche là, est à un défenseur vétéran et un Justin Williams, exemple, un vétéran comme ça, là, d'être dangereux. Là, c'est ça. Là, ils vont pas loin. Ils vont le quatrième choix repêchage cette année de la transaction de Marc Duchesne. Donc, c'est vraiment, écoute, ce qui va manquer, je pense, moi, à mon idée, c'est d'avoir plus de profondeur. Oui, ils sont à ce stade-là. Tu sais, c'est plus facile d'aller chercher de la profondeur que des joueurs vedettes. Oui, effectivement. Là, ils semblent les avoir. Là, ouais, donc, on va surveiller ça. Tu t'es au prix orange? Non, ça c'est tranquille, là, les oranges, je dirais. OK. Moi, mon prix orange, c'est Lionel Messi, qui a marqué son 600e but cette semaine au soccer avec la FC Barcelone. 600 buts au hockey, c'est un exploit incroyable. Imagine-toi au soccer. Tu sais, 600 buts, moi, c'est extraordinaire. Comme on verra pas ça, évidemment. Là, la comparaison se fait toujours avec qui est le plus grand entre Ronaldo et Messi. Tu sais, on suit moins ça parce que c'est du soccer européen. Sauf que c'est dans les grandes comparaisons. C'est du Gretzky le mieux. C'est les plus grands là, qu'on voit ça. Là. Ah, t'as raison. Puis c'est vrai que on verra pas ça, je ne sais pas. Tu sais, parce que le soccer, on développe tellement de joueurs par année. On développe tellement, il y a tellement de talent à travers le monde au soccer. Tu sais, c'est pas mal plus étendu que le hockey et le baseball. Là. Fait qu'on sait jamais s'il y en a un qui peut arriver un jour. Parce que Messi, il est pas si vieux que ça. Là. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses, effectivement. Hein. OK. Mon deuxième parent, c'est Mathieu Bette, des Bears, qui a signé un contrat avec les Bears de Chicago. Très gentil. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans son cas. Mon collaborateur de football disait cette semaine qu'il avait lu plusieurs blogs et qu'il disait qu'il y a de bonnes chances de percer l'alignement des 53 joueurs. Ça va être intéressant. Certains disent que c'est le meilleur des trois entre lui, Laurent Duvernay-Tardif Anthony Auclair des Packers, des Buccaneers de Tampa Bay. Ouais. Mais il faut faire attention, par exemple, parce que c'est tellement dur faire de la. Tu sais, puis l'universitaire canadien, là, c'est comme si tu te fais repêcher du junior 2B. Hein, tellement que tu te compares pas. Là. J'ai hâte de voir. C'est pas le premier qui cogne à la porte puis qu'on pense. Moi, j'ai pas cette confiance-là qui va être là. Tant mieux si je me trompe. Là. Ouais. Mais j'ai bien hâte de voir, effectivement. Saison de football, tranquillement, on va te laisser l'été passer. Ça va s'en aller. Ça va être une bonne été. Maintenant, ton prix citron. Il a fallu que je creuse, Danny. Ouais, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me. Puis tu vois, celle-là est tirée par les cheveux vraiment. Ouais. Je te parlais de Samuel Girard tantôt. David Poile, le DG de Nashville, je pense que ce gars-là va peut-être avoir scrappé une des plus belles défensives du hockey. Je m'explique. Ouais. Il échange Chet Jones contre Ryan Johansson. Puis Ryan Johansson, dans les grands moments, il t'en a pas donné. Il t'en a jamais donné. Après ça, il y a chance, Sam Girard pour aller chercher Cal Turris. Cal Turris a connu une saison bien ordinaire. Mm. En série, ça a été capoute. Puis là, il a piqué Subban son gros contrat, que ça a l'air que ça fait plus bien bien. Là, David Poile va avoir des choses, là, parce que, oui, il avait une défensive exceptionnelle, mais il n'a jamais réussi à faire le step pour aller plus loin. Puis là, il y a Roman Yossi qui va falloir qu'il re-signe, qui est son meilleur défenseur. J'ai hâte de voir, parce que David Poile, il y avait de quoi entre les mains, puis la fenêtre, j'ai l'impression qu'elle se referme du côté de Nashville. Oui, ce level plus là, puis Piqué va probablement peut-être même être échangé cet été. Moi, je m'attends que Piqué va être échangé cet été. Ben, regarde, quand il a été échangé, on s'en doutait pas. Ouais. Tu sais, il faut faire attention. Mais tu sais, d'avoir échangé Seth Jones et Samuel Girard, là, je pense que ça peut venir lanter ça à long. Ouais. Moi, ici, il fallait que je creuse pas mal. Ouais. Et c'est tiré par les cheveux. PKP qui est venu à Québec cette semaine pour dire que. Pour donner un don, finalement, puis qui a dit qu'il était toujours intéressé. Par le retour des Nordiques, peux-tu en rire? PKP n'a plus aucun intérêt pour les Nordiques de Québec. Il a ramené les Nordiques. Puis en plus, ça va dire que Bell, l'autre fois, le système de Bell qui a fait, qui a brouillé à Bell, ça nuirait pas au retour des Nordiques. Voyons donc. Penses-tu que Gary Bettman a trouvé ça drôle? Premièrement, il a empêché des gens de voir les matchs de son produit. Et deuxièmement, il est en guerre contre Bell. Et Bell est partenaire de plusieurs équipes dans la Ligue nationale, même si c'est plus eux autres qui sont directement, qui contrôlent directement. Mais ça, Danny, là-dessus, là, je serais pas surpris que le Canadien et que Bell s'oppose à un retour des Nordiques en coulisses. Là, parce que veut pas, les Nordiques qui reviennent, automatiquement, le Canadien perd des revenus. Mm. C'est sûr. C'est sûr que le Canadien perd des revenus. Ça peut pas faire autrement. Tu sais, le Québec est pas plus grand. Là. Ouais. Puis tu diras pas plus de fans. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, les affaires que, oui, on aimerait ça le retour. À tape peu, là. Souvenez-vous qu'en 79, ils ont tout fait pour que les Nordiques rentrent dans le Canada. Exactement, ça a pris que Marc Simoneau l'avait su, puis qu'il avait lancé une campagne de boycott contre Molson à l'époque. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, regarde, PKP, oui, bon. Moi, j'aimerais ça qu'il dise la vérité, à un moment donné. Qu'il dise la vérité, puis qu'il dise, on est plus intéressé, tu sais. Ah, mais ça, en affaire. Ouais, en affaire, Daniel, on dit pas la vérité. Alors, je sais, mais en même temps, tu sais, quelque part, il peut pas le faire, parce que demain matin, il perd le centre Vidéotron, là. Ouais, ben, c'est sûr que ça garde mal en maudit, là. Ouais. C'est sûr que ça garde mal. Ouais. Puis moi non plus, je crois plus à une équipe à Québec. On est rendu là, tout le monde. Là, ouais. Mais non, là-dessus, là, le grand et généreux Canadien de Montréal, le retour des Nordiques, pas sûr qu'ils sont si cool que ça face à ça. Ben non, effectivement. Mais eux autres aussi en privé, ils ne peuvent pas le dire. Ben, Marc, un gros merci en ce dimanche matin. On se reparle là, quelque part en fin de semaine prochaine. Excellent. Le collaborateur Marc Dicard.